Radio Campus Lille, midi. Des mots, des mailles, moment musical et théâtral. Un passage de mémoire, une tranche de vie marquée d'amour et d'anarchie, un élan pour demain avec, pour et par les mots. À partir de recueils de textes de Marc Maille, construction et déconstruction, mise en musique et mise en scène ont donné sens et vie à un parcours effectué à travers différentes stations empruntées à l'existence. Alors rendez-vous à l'espace culture Cité Scientifique à Villeneuve-d'Ascq le samedi 26 janvier 2013 à 20h30. Entrée libre, un chapeau circulera à la fin du spectacle. Réservation au 0320 05 36 80 ou par mail maille@nornet.fr. Bonjour, il est midi sur Radio Campus 106,6 MHz et comme c'est notre première de l'année, je sacrifie à la coutume de présenter les vœux. Comme ça vous a été fait des dizaines de fois depuis 18 jours et que finalement nous avons assez peu de pouvoir en la matière, on va faire dans le modeste, on va dire que tout ce qui vous sera utile en 2013 vous soit agréable et réciproquement. C'était en direct les vœux de l'équipe d'Angle d'Attaque, l'émission anguleuse de l'Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, sans surprise pour les fidèles de l'émission, nous allons poursuivre notre visite intéressée de l'économie sociale et solidaire, commencée en octobre avec Florence Janicatrice, dont nous allons reparler tout à l'heure lors de nos lectures avec Christian. C'est bien ça, Christian? En effet. Ce sera après le thème central. Aujourd'hui, il sera question de financement solidaire. Maintenant, je me tourne vers René pour l'actualité d'Attaque. René, je crois qu'il y a du national et même de l'international dans l'air pour les 6 mois qui viennent. Eh bien oui. Attaque France a défini 3 grands axes de travail pour 2013 et les années suivantes. Bien sûr, en convergence avec les autres attaques d'Europe, dans la continuation des campagnes lancées en 2012, suite aux conclusions du Rio plus 20 et du Forum social européen de Florence en novembre. Alors, ces trois axes, la refondation du projet européen, dans la poursuite des audits citoyens de la dette et de la campagne contre le pacte budgétaire et les politiques d'austérité, la transition écologique et sociale, indispensable et urgente, mais impossible à mettre en œuvre à cause des politiques d'austérité et qui de plus est confrontée aux mauvais choix des décideurs. Et la défense et la promotion de la démocratie. La rénovation de la démocratie est la clé de la refondation de l'Europe et par-delà de la transition écologique et sociale. Une reprise en main par les citoyens est donc nécessaire. C'est aussi la raison du rapprochement d'Attaque avec ces nouveaux mouvements citoyens, informels, directs, comme par exemple les Indignés. Bon, alors on a des grands moments soutenus par Attaque pour ce premier semestre, il me semble. Vas-y René, on a le FSM. On a le FSM, donc le Forum Social Mondial, qui se tiendra à Tunis du 26 au 30 mars 2013. Et qui devrait permettre alors, des convergences avec les mouvements des pays du Maghreb et du Machrek, de renforcer les liens avec ces nouveaux mouvements citoyens dont j'ai parlé, alors, les Indignés en Europe, Occupy aux USA, Yanamar au Sénégal et bien d'autres. Et enfin d'avancer dans la construction du mouvement social européen dans la perspective de l'Alter Summit d'Athènes. Alors, l'Alter Summit, ou Alter Sommet, ce sera le sommet alternatif des mouvements sociaux européens qui est prévu à Athènes les 7 et 8 juin 2013 et qui portera sur le bilan de 5 ans de crise et de sa gestion par les institutions de l'Union européenne, sur les nouvelles stratégies des mouvements sociaux en Europe et sur les alternatives citoyennes à la crise. Bien, eh ben, y a du boulot, c'est le moins qu'on puisse dire. Je crois que pour le coup, ici, le rendez-vous du sommet alternatif des mouvements sociaux, on en reparlera au mois de mai, un peu avant son déroulement. Également au plan national, à l'initiative d'Attaque France, une nouvelle campagne banque pour l'année 2013. Eh ben. Une première semaine de manifestation est prévue du 23 au 27 janvier, suite à l'appel de Florence, Donc je rappelle le Forum social européen de novembre 2012, intitulé « Semaine d'action contre la financiarisation de la vie et des biens communs ». Donc ATAC propose à tous les comités locaux de mener des initiatives. Occupation d'agences bancaires, sitting, organisation de sketchs, etc. Deux pièces de théâtre, on va en reparler tout à l'heure. Alors, donc, au plan local, on nous propose d'avoir du boulot là, pour les militants. Comment on relaye toutes ces actions, René ? Eh bien, ici, au plan local, on continue déjà ce qu'on avait entrepris, notamment Roubaix-Tourcoing, qui est toujours impliqué dans le collectif contre l'austérité, et qui organise d'ailleurs un meeting le mardi 29 janvier à 18h30 au foyer Pierre de Roubaix. Avec Gérard Filoche et Michel Husson du conseil scientifique d'ATAC, s'il vous plaît. Exactement. Villeneuve-d'Ascq a prévu de faire jouer la pièce de théâtre créée par Nage, le tribunal des banques, et ce serait pour début avril. Et à Lille, nous poursuivons notre série d'émissions consacrées à cette alternative que représente l'économie sociale et solidaire. Et nous avons un projet en collaboration avec le Métropole, la projection du film « D'un retournement à l'autre » issu de la pièce de Frédéric Lordon. Dont l'avant-première a lieu ce soir, en ce moment même, qui a commencé à 20h au Métropole, effectivement. Alors, le collectif O, il faudrait quand même qu'on en parle un tout petit peu, René. Alors donc, on a eu 130 personnes. Et on a eu la présence d'Alain Cacheux, vice-président de la LMCU. Oui, à cette soirée du 18 décembre. C'est pas mal, 130 personnes quand même. Oui. Et ce que l'on constate, c'est ce qui était annoncé pendant cette réunion, pendant ce débat, que le collectif est de plus en plus entendu, puisque comme le souhaitaient les organisateurs du collectif, dont tu es un membre honorable et honoré, cher René, les débats sont organisés dans la communauté urbaine, ça commence à prendre sérieusement. Oui, depuis le premier trimestre 2012 et les rassemblements devant le siège de LMCU, le collectif monte en puissance et les décideurs ne peuvent plus l'ignorer. Ceci est l'approche de la délibération qui pousse le collectif à mettre le paquet par une nouvelle série d'actions. Par exemple, une nouvelle lettre en ce début d'année envoyée à la présidente de LMCU, Martine Aubry, et aux élus communautaires. Une campagne de vœux municipaux sur plusieurs communes, c'est-à-dire qu'au moment des vœux du maire, à la soirée des vœux du maire, nous distribuons des tracts avec, bien sûr, notre souhait, le retour en régie publique de l'eau. Des motions ont été déposées dans plusieurs villes, à Lille, Roubaix et Villeneuve-d'Ascq. Et des réunions publiques sont programmées, dont l'objectif est d'amener les maires à se positionner par rapport à la question de l'eau et à organiser de véritables débats avec leurs administrés dans leurs communes. Toute une série dont Antoine vous donnera les détails de ces réunions publiques qui auront lieu à Ronchin, à Villeneuve-d'Ascq, à l'Île-Saint-Maurice et à Seclin. Antoine vous en parlera donc de manière plus précise dans son calendrier militant. Je vous donnerai les dates et les heures et les lieux. L'Ambersa ou Waterloo. Oui, qui sont encore en projet, disons. Qui sont encore en projet. Le collectif organise également des sessions de formation. Donc ça, c'est généralement le samedi matin à l'AMRES de 9h à 12h. Et des rassemblements, encore, devant LMCU sont prévus. Notamment le 15 février 2013 de 13h à 14h et le 12 avril 2013, bien sûr, de 13h à 14h également, car ce sont les jours de réunion du Conseil communautaire. Et enfin, à signaler également que Pierre-Yves, le porte-parole du collectif, a enfin reçu d'Alain Cacheux une réponse à une demande datant de juillet 2012 autorisant le collectif à consulter la documentation du siège de LMCU. Et cette réponse était positive ou moins ? Oui, là enfin le... disons le... Vous pourrez consulter la voilà, documentation. Nous aurons droit à... Ok. Bien, bien. Ben, écoute, on a fait à peu près le tour de la question. On va peut-être passer à une pause musicale. Qu'on société de supermation, un esprit de compétition. Il s'agit de plumer un pauvre, et lorsqu'il est enfin cuit, pour que l'honneur soit sauf, le croupion sera pour lui. Ma femme me dit, j'ai décidé d'être corvée de supermarché. Prends ta fille et pour le caddie, 1 euro et ton paletot. Me v'là pousser l'engin, franchement pas très rassuré. Quand j'ai buté contre le malin, que t'es bloqué dans le tourniquet, l'agent de la sécurité a failli me mettre un pain. Ma fille s'est mise à chialer, j'ai dit tiens ça commence bien. Je voulais acheter un CD, j'étais dans le rayon poubelle. J'ai pris un truc à balayer, signé par un grand label. J'étais pas venu pour des conneries, j'avais une liste à respecter. D'abord un gros pain pas trop cuit, une charlotte pour dimanche midi. Le pain c'était un élastique, charlotte m'était antipathique. J'ai remplacé par des cracottes qui auprès de Marco ont la cote. Il a fallu j'ouvre le paquet pour la faire un peu patienter devant la queue de la fausse boucherie. J'en ai oublié mon rôti que j'aurais bien pu remplacer par les steaks hachés emballés s'il n'était pas périmé ou encore moins contaminé. Conciété de supermation, un esprit de compétition. Il s'agit de plumer un pauvre, et lorsqu'il est enfin cuit, pour que l'honneur soit sauf, le croupion sera pour lui. Enfin pour trouver un poireau, je tombe dans les petites culottes. L'idée qu'on me prenne pour un salaud, me plonge le nez dans les cracottes. Rigolez pas même si c'est con, mais pour dénicher une frisée, je retombe dans le même rayon qu'à l'instant je viens de traverser. Intersection stop sur un bac de Godio en super promo, pour une achetée talot de gratos, comme pour un ciseau ou une claque. Quant au message subliminal m'incitant au plaisir anal, disait vas-y, vas-y achète, car aujourd'hui c'est jour de fête. Du coup, l'essence est putain de drôle, direction l'étal des alcools. Là, j'ai pris mon pack de 26, plutôt 30 avec les gratis. Puis la remontée vers la caisse, ma fille m'a dit pipi papa. Et en montrant du doigt ses fesses, a même fini par dire caca. Attends donc un petit peu Margot, que je planque cette misère de chariot qui m'aura donné un coup de chaud et surtout bouffé 1 euro devant le pylône au grand poster. Apparemment le fils est le père, elle n'a pu retenir ses besoins. J'ai grondé, on n'est pas des chiens. Société de supermation, un esprit de compétition. Il s'agit de plumer un pauvre, et lorsqu'il est enfin cuit, pour que l'honneur soit sauf, le croupion sera pour lui. Place au débat sur le financement solidaire, c'est Nicolas qui introduit. Nicolas. Notre invité aujourd'hui, c'est Jean-Marc Delamarre, qui est président de l'Association des Cigales du Nord et du Pas-de-Calais. Les Cigales se définissent comme un réseau d'investisseurs citoyens qui se prononcent pour une économie locale solidaire. Tous les mots sont importants ici, on les détaillera dans l'entretien. Les Cigales sont organisées nationalement, une charte nationale existe régionalement et localement. Pour faire simple, quelqu'un qui veut créer une entreprise va chercher un appui auprès d'un club de cigaliers. Ce n'est déjà pas le cas de tout créateur d'entreprise de s'adresser aux cigales, et les cigales ne sont pas non plus des clubs comme les autres, puisqu'ils sont adhérents de l'APES, acteur pour une économie solidaire, dont nous avons déjà reçu un membre, qui est Joachim Leroy, pour les monnaies alternatives. Oui, c'est la première introduction, mais je voudrais continuer pour expliquer vraiment le but de l'entretien. Pour ATTAC, il s'agit de nous faire mesurer l'apport des cigales à l'économie, aujourd'hui et aussi dans la société. On ne parlera pas en termes de pourcentage de PIB ou de formation de brut de capital fixe, bien sûr, mais les chiffres ont leur importance, on en donnera quelques-uns qui nous seront bien utiles. Nous sommes plutôt curieux de cette démarche de mise en relation de personnes qui, bien qu'ayant chacune leur logique, ont des intérêts convergents. On se posera d'ailleurs la question de cette convergence. Donc, l'une des personnes recherche une aide pour un projet. C'est le porteur de projet. L'autre, c'est le parrain, qui va se porter volontaire pour l'aider sous condition. La condition, que le projet soit accepté par un club, et même quelquefois plusieurs clubs en même temps. Dans la vraie vie, on parle de créateurs d'entreprises et d'apporteurs de capitaux et de banques. Ici, c'est la même chose, sauf que c'est pas pareil. La relation entre le porteur de projet et le parrain, la marraine peut-être aussi, Jean-Marc, oui, est une relation de longue durée entre les deux parties. Nous, à ATTAC, nous voudrions comprendre ce qui fait que ça peut marcher en dehors, en marge des circuits habituels de la création d'entreprise. Est-ce que c'est la modestie du projet et du financement? C'est une hypothèse qu'on ne peut pas écarter. Ou est-ce que c'est une relation plus forte qui serait à même de reproductible dans la vraie vie et qui, par exemple, pourrait donner les bases d'une économie plus solidaire, plus durable peut-être aussi? Voilà ce qui nous anime dans l'entretien. Mais pour cela, il faut commencer par l'examen du fonctionnement d'une cigale qui a été contactée par un porteur. Est-ce que cigale signifie quelque chose d'ailleurs? Est-ce un clin d'œil à la fourmi de la fable? Ben alors non, c'est un peu à l'opposé, on est plutôt fourmi. Les cigales, pourquoi? Parce que ce sont des clubs d'investisseurs pour une gestion alternative, locale, de l'épargne solidaire. Voilà le terme cigale. On essaie de comprendre le fonctionnement de la cigale. Donc un club cigale, c'est maximum 20 personnes, 20 membres, qui font partie d'une indivision, c'est-à-dire qu'ils épargnent mensuellement pendant une durée de 5 ans, obligatoirement. Ce sont des statuts qui sont légalisés au niveau français. Et donc, en moyenne, au niveau dans le Nord, on a une moyenne de 12 membres par club qui épargnent en moyenne 35 euros par mois. Mais ça, c'est fonction. Chaque club est indépendant. Donc, il y a 55 clubs dans la région Nord-Pas-de-Calais. Ils ont tous un fonctionnement propre. Un club comprend, dans les 12 personnes en moyenne, et il y a 3 personnes importantes, qu'on peut qualifier d'importantes. C'est le président, donc le gérant, ce qu'on appelle le gérant de la cigale, qui va la représenter dans tous les actes et les prises de participation. Le secrétaire qui fait un compte rendu à chaque réunion des décisions prises et le trésorier. Alors, le trésorier également a un rôle important puisque c'est lui qui comptabilise les apports de chacun et qui donne la traçabilité de l'épargne. Chaque membre est libre d'épargner à son gré, c'est-à-dire qu'on peut avoir des gens qui épargnent une somme dérisoire et d'autres qui peuvent épargner davantage et mettre au pot pour constituer un petit capital qui sera investi. On l'a mis cet argent alors? Ah, des fonds propres, hein, des personnes. On les place en banque, ils sont... Alors oui, le club ouvre un compte, donc il y a un compte dans une banque qui récapitule les apports de chacun. D'accord, donc on a bien un club d'investisseurs. Oui. Peut-être pas au sens traditionnel du terme, parce que le sens traditionnel, c'est des investisseurs en capitaux. Oui. Hein, mais qui a un rôle particulier, local, tu disais, oui, et qui est chargé d'accueillir... des jeunes porteurs de projets, des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, je pense. Ce serait peut-être intéressant de savoir qui fait quoi là-dedans. Qui sont les cigaliers, puisque c'est le nom, et qui sont les porteurs de projets? Alors, les cigaliers sont de toute catégorie socio-professionnelle. J'allais dire, il y a peut-être un ciment commun entre eux, c'est que globalement, ils ont tous eu une histoire ou un contact avec le monde associatif. ils sont déjà engagés souvent par ailleurs, ce n'est pas leur première expérience. Mais ils veulent adjoindre cette expérience de pouvoir aider directement un certain nombre de porteurs de projets à proximité du lieu de la Cigale. Quelqu'un qui a une idée, qui éventuellement a besoin d'un peu de capitaux et aussi un besoin d'accompagnement et donc pour réaliser et se lancer dans l'entreprise. Voilà. Donc on a des personnes, des membres qui sont en capacité éventuellement de pouvoir accompagner. On a donc un parrain qui accompagne l'entreprise pendant la présence du club au capital de l'entreprise. Alors, pour intervenir, effectivement, on n'intervient pas dans des entreprises individuelles. Uniquement, le porteur doit créer une société dans laquelle le club va investir, prendre une participation qui est minoritaire puisqu'elle ne peut pas dépasser 33%. Ce qui veut dire que le club est bien... associé au porteur, mais il n'intervient pas dans les décisions de gestion. Il est en aucun cas, il n'intervient. Par contre, il conseille, par le biais du parrain. Alors le parrain peut être un expert, mais pas forcément. Souvent, comme les clubs, il y a toute catégorie socio-professionnelle. On peut très bien avoir des enseignants, des professions libérales, des retraités, des personnes de la fonction publique, des actifs. On a une majorité, légère majorité de personnes qui sont retraitées, mais on a à peu près 45% de cigaliers, puisqu'on les appelle comme ça. Donc ces personnes qui sont encore en activité professionnelle. Donc j'ai entendu le mot parrain, j'avais d'ailleurs ajouté marraine tout à l'heure. Quel est le rôle du parrain? Ou alors est-ce qu'il faut commencer par dire, voilà, il y a un porteur de projet et il y a un parrain, ou il y a un parrain et un porteur de projet? Dans quel sens ça marche? Je suppose que c'est dans le sens, j'amène mon projet... Et quelqu'un est désigné par le comité des sages, des 12 ou des 20, pour suivre le projet. Alors effectivement, le porteur de projet sollicite le club et il est reçu par le club. Donc il va être interrogé par les membres du club lors d'une réunion. Il peut y avoir une, voire plus. Deux réunions, plusieurs réunions. Et donc le porteur expose un peu ce qu'il a envie de faire, donc le métier, son savoir-faire, pourquoi, ses motivations, quelle orientation il va donner à son entreprise, est-ce qu'il va embaucher, pourquoi il a cette démarche. Et donc le club va statuer. Donc chaque club à son fonctionnement propre, c'est-à-dire certains clubs décident d'investir avec une majorité relative à 50% et d'autres peuvent aller quasiment jusque l'unanimité. C'est dans la règle du club, on décide d'abord unanimité, consensus ou pas. D'accord. Tout à fait. Et donc, si j'ai compris, les personnes qui sont porteurs de projet, vous les accompagnez, mais il y a aussi, est-ce qu'ils ont déjà leur projet déjà bien fait? Ou alors est-ce que vous accompagnez, vous aidez à mûrir un peu le projet? Alors, les deux. C'est-à-dire qu'on peut prendre un projet vraiment tout au départ, à l'émergence, à l'idée. Dans ce cas-là, effectivement, on peut l'accompagner en amont. Ça, c'est d'ailleurs, ça peut être intéressant. Généralement, c'est pas tout le club, c'est quelques membres du club qui le reçoivent, qui posent des questions, qui l'invitent à revenir, à travailler un peu sur tel domaine. Systématiquement, on les oriente, généralement, on les oriente vers la boutique de gestion, vers les ruches ou vers les chambres des métiers ou chambres de commerce pour établir l'étude prévisionnelle. Peut accompagner sur cette partie en amont. Lorsque le projet est prêt, le porteur est reçu par le club et donc là, il y aura une décision ou une non-décision hein, ou un refus d'accompagner le projet. S'il y a accord entre le porteur et le club, il y a tout de suite désignation ou choix d'un parrain ou d'une marraine. Donc c'est un peu consensuel, c'est vous décidez ensemble. Oui, oui. Le choix du parrain peut se faire selon la demande ou le ressenti du porteur qui peut avoir une, par exemple, qui peut solliciter plutôt quelqu'un qui aurait un profil commercial ou un profil administratif ou financier, un petit peu, ou tout simplement ce qu'on appelle un observateur de l'entreprise qui peut poser un certain nombre de questions. L'intérêt du parrainage, c'est au minimum 4 entretiens par an, un par trimestre au minimum, et donc porteur de projet rencontre ce parrain. Bon, généralement, ça peut aller au-delà des 4. Hein. On a eu des accompagnements qui étaient quasiment, j'exagère un peu, mais ça peut aller jusque hebdomadaire pendant un certain temps. Donc le porteur ressent le besoin d'avoir l'avis. En fait, souvent, c'est le miroir. Il pose un certain nombre de questions et le parrain en face reçoit la question et dit un petit peu son ressenti par rapport à la question du porteur. Donc, la décision est prise. Le comité a dit OK. Et on verra peut-être qu'il y a des fois où ce n'est pas OK. Qu'est-ce qui se passe ? Le porteur de projet, son projet est accepté. Il a un parrain. Comment intervient encore le club en termes de financement puisqu'il s'agit de ça? Le porteur établit ses statuts puisqu'il s'agit d'un apport en société et le gérant du club, le porteur détermine un besoin, c'est-à-dire qu'il lors du montage du projet, on va déterminer un besoin de financement. Et donc le club va dire un peu ses disponibilités et voir à quelle hauteur il est capable d'accompagner. En général, on accompagne à 3000 au maximum, enfin en général on accompagne entre 1500 et 3500 euros à peu près en moyenne, quoi, hein, voilà, l'apport moyen. Si le besoin en capitaux propres, puisqu'il s'agit de capitaux propres, étant donné que la Cigale va rester au capital pendant 5 ans, si le besoin de financement est au-delà des capacités du club, il est possible d'intégrer un autre club qui va également prendre une participation dans le capital. Et si le besoin encore s'en fait sentir, on peut faire appel à ce qu'on appelle, moi je la qualifie de très grosse cigale, c'est-à-dire c'est l'association Autonomie et Solidarité qui fait des apports en capitaux, comme les cigales. La différence, c'est que les montants d'autonomie sont beaucoup plus conséquents, puisque autonomie a un certain nombre de membres bien supérieur à celui des cigales, puisque les cigales, on est limité à 20, autonomie n'a pas de limite. Voilà. Et donc dispose de capitaux beaucoup plus importants. D'accord. Alors pour l'instant, dans ma tête, je reste sur l'aspect cigalier. On est bien d'accord que ce capital, ils en attendent une rentabilité et il y a une fiscalité. Oui, alors effectivement, pour l'instant, quand un membre des Cigales, quand investit au travers du club, il bénéficie d'une réduction d'impôt de 18% à l'heure actuelle, si bien sûr le club reste au capital pendant une durée de 5 ans et s'il y a une embauche de 2 personnes au bout de l'année, quoi. Voilà, donc il y a des réductions un petit peu. Avant, on était à 25, maintenant à 18. Bon, il peut y avoir une petite incitation fiscale à la clé, puisqu'on est apporteur de capitaux. Ça, c'est sur la réduction d'impôts tout de suite. Bon, quelle rentabilité il est attendu au niveau du club? Je pense qu'au départ, il n'y a vraiment pas de rentabilité. On peut pas parler dans ces termes-là. S'il y avait une rentabilité attendue, je pense qu'il vaut mieux mettre ses sous à la caisse d'épargne. On risque de moins de déconvenus, puisque là, on est carrément dans le risque de l'entreprise. Ce sont des créateurs. Il y a à peu près un taux d'échec qui est quand même de 30% au-delà des 5 ans. Ça veut dire qu'on a quand même 70%, entre 65 et 70% de réussite au bout de 5 ans, ce qui est quand même tout à fait honorable. Je n'ai pas connaissance de club qui exigerait un dividende d'entrée. Ce qui se pratique généralement, c'est que s'il y a des résultats, ils sont mis dans les fonds propres et de toute façon, ils seront valorisés à l'issue des 5 ans, puisque au bout de 5 ans, au minimum, le club va chercher à sortir du capital pour laisser la main à l'entrepreneur. Si l'entrepreneur n'a pas les moyens à ce moment-là, bon, on peut proroger le délai. Il n'y a pas d'urgence. L'objectif, souvent, c'est de sortir au-delà de 5 ans, puisque bon, on est quand même un importeur étranger et vaut mieux, si lui a envie d'être majoritaire, largement majoritaire, d'avoir la totalité des parts. Nous, on suit en fait les désiderata de l'entrepreneur. D'accord. Donc effectivement, j'enregistre bien cet aspect. C'est pas forcément un bon placement, mais c'est surtout un placement, on l'a dit tout à l'heure, de nature solidaire pour les cigaliers. Alors, René a une question. Je voudrais faire remarquer qu'apparemment, le taux de réussite est nettement plus élevé que pour les créateurs d'entreprises passant par un financement classique. Oui. Bon, on a quand même, j'allais dire, une sélection. Au départ, le porteur de projet est quand même reçu une, voire plusieurs fois par le club ou par un petit comité de 2-3 personnes, des membres du club. Donc, il y a un certain nombre de questions qui sont posées et de réponses que le porteur doit apporter. Si effectivement, il y a un risque ou on sent que le projet est quand même plus ou moins risqué, bon... Il y a déjà ça. Ça, c'est la première. Il y a une sélection au départ. Il faut obtenir une majorité, au minimum une majorité, pour que le club se décide. Ensuite, il y a le parrainage. Hein. Le parrainage est quand même un acte important, puisque le parrain pourra se faire accompagner également. S'il y a des questions qui sont posées par le porteur de projet, on a toujours également dans nos 750 cigaliers dans le Nord-Pas-de-Calais, un certain nombre d'experts dans des domaines bien variés. Et s'il y a une problématique particulière que l'entreprise se pose, ou que l'entrepreneur se pose, il y a toujours un relais qui peut être fait sur des problématiques un peu plus complexes. C'est là où je voulais en venir. Hein. C'est là où... Maintenant, voyons le côté porteur de projet. Vous n'avez quand même pas tous, je viens de le dire, les compétences pour examiner un projet technique un peu sioux. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut avoir un exemple ? On peut peut-être commencer par là. Un exemple de projet récent ou même qui existe, enfin peu importe, et la façon dont ça se passe en fait. Je vais citer un cas où on a eu une personne qui travaillait dans un bureau d'études, qui travaillait dans une entreprise de chaudronnerie et qui avait fait un peu le tour de la profession. Et en fait, c'est son assureur qui a parlé des cigales. Donc, on l'a reçu un peu en amont, puisqu'il était déjà, il faisait un petit peu le tour de financement. Bon, c'est quelqu'un qui avait envie de se mettre à son compte. Et donc, on l'a rencontré assez bien en amont. Et du coup, bon, on a tout de suite vu qu'il cherchait un accompagnement, un besoin financier également. Bon, je pense qu'on l'a reçu deux fois. Ça a été assez rapide. Et le club s'est tout de suite décidé pour l'accompagner. Donc ça fait l'aventure dure dans cet exemple particulier. L'aventure dure depuis 5 ans. Je pense que l'entrepreneur n'est pas encore prêt éventuellement à acheter sa participation pour un certain nombre de raisons. Donc nous, on continue. Alors voilà un exemple où je dirais c'est vraiment l'exemple parfait. Puisqu'on a cette personne, enfin ce porteur de projet au bout de 3 ou 4 ans est devenu lui-même cigalier d'un autre club cigale. Donc on a vraiment bouclé la boucle, on a aidé quelqu'un qui a créé son entreprise et qui aujourd'hui est rentré dans le cycle et se rend compte que lui aussi peut aider, peut apporter ses compétences, des compétences très intéressantes parce qu'il a eu vraiment l'expérience du créateur. Et ça, c'est. On a beau être cigalier, on n'a pas tous une expérience de créateur. Et quand on peut avoir des porteurs de projets qui deviennent à leur tour cigaliers, eh ben, il y a un certain nombre d'embûches ou de conseils qu'ils peuvent tout de suite donner. Et on lui-même est devenu parrain d'une autre entreprise. Et le parrainage est le meilleur moyen de vous faire connaître Pas forcément, on est reconnu, je crois que c'est vraiment le signe, c'est un des signes distinctifs qu'on a par rapport à toute, dans l'épargne solidaire et par rapport au capital risqueur, c'est que on est en même associé et conseil. Je pense que c'est un peu notre particularité. Et surtout, un parrainage qui est de proximité, c'est-à-dire on va plutôt avoir tendance à suivre des entreprises qui sont au maximum dans un rayon de 20 km. On peut avoir deux manières d'investir. C'est vrai qu'il y a majoritairement des projets de proximité. Il peut y avoir des clubs qui accompagnent également des grands projets régionaux. On est quand même très proche de l'économie, enfin de l'environnement, c'est-à-dire c'est-à-dire de la protection de l'environnement. Et donc, il y a des cigales qui ont pris des participations dans des projets de photovoltaïque, d'éoliennes, notamment en Bretagne. Il y a même des clubs cigales qui ont été uniquement créés pour prise des participations dans les économies d'énergie ou la fourniture d'énergie renouvelable. Les personnes qui seraient par exemple intéressées pour créer un projet, qui ont une petite idée, vous avez sur tout le territoire des endroits, des lieux d'accueil, etc. Oui, alors c'est surtout le rôle de l'association régionale. Donc les 55 clubs Nord-Pas-de-Calais adhèrent à la fédération régionale qui est à Lille et qui dispose d'un site internet et de 8 collaborateurs, collaboratrices qui sont chargés de centraliser les demandes, d'organiser un petit peu tout ça, de mettre en musique ces clubs et donc les porteurs de projets peuvent être présenter leurs projets directement auprès de l'association qui elle se charge de la rediffuser aux clubs les plus proches des lieux d'implantation. Alors moi je retiens un certain nombre de choses là, sur ce que tu dis. Il y a le fait effectivement que ce parrainage, j'aimerais bien qu'on creuse un petit peu ce que fait vraiment le parrain. Tu dis qu'il peut être ils peuvent se rencontrer avec le porteur de projet 3-4 fois par an ou ça peut être beaucoup plus souvent. De quoi parle-t-il? Ça c'est un premier point. Le deuxième point que tu viens d'aborder et qui me semble intéressant, c'est que les cigales peuvent être ciblées, elles peuvent avoir des orientations tout à fait précises. Mais toi, tu as parlé de proximité. Alors, je suppose que c'est plutôt ton club qui est de proximité que ciblé. Donc, ça veut dire quoi, en fait? Pourquoi qu'est-ce qui vous anime pour dire ben, on va faire plutôt de la proximité? Alors, une des motivations des cigaliers, je pense que c'est quand même une des particularités, enfin je veux dire un des moteurs, c'est de garder de l'activité dans le territoire. Moi je suis dans un club qui n'est pas situé en région de Lille, c'est la métropole qui a tendance quand même à avoir une majorité de projets. Moi je suis des Flandres, on souhaite garder de l'activité dans notre territoire plutôt que les gens fassent une heure le matin de transport, une heure l'après-midi. On préfère suivre, garder de l'activité, garder de la technicité. Si un porteur qui pense créer dans notre secteur, dans notre territoire, eh bien nous on joue la proximité, l'économie est attirée soit par le pôle de la métropole lilloise, soit par la région littorale Dunkerque, et donc une des motivations c'est de garder de l'activité chez nous, je veux dire, voilà, et de la proximité. Donc tout ce qui peut se faire, un des moteurs des cigaliers c'est pouvoir aider quelqu'un à rester dans son territoire. Donc effectivement, c'est fort important parce que là, on participe vraiment du développement local. Mais ça veut dire que vous devez quelque part avoir quelquefois l'appui des politiques, non? Oui, dans certains clubs, on peut avoir le maire ou alors des membres du conseil municipal. On a des directeurs de services municipaux d'ailleurs. Donc, les politiques peuvent être représentés également dans les clubs. Je veux dire, tout est bon pour se faire connaître ou connaître les projets. Je ne pensais pas seulement à ça, je pensais aussi, est-ce qu'il y a des aides de la région? Alors, oui, les politiques participent surtout pour financer, c'est une particularité d'ailleurs de la région Nord-Pas-de-Calais qui est quand même à souligner, que ce soit le conseil régional, que ce soit les conseils généraux Nord et Pas-de-Calais, participent très largement au financement de l'association régionale. Et ça, c'est vraiment une particularité très importante pour le Nord-Pas-de-Calais, ce qui a permis aujourd'hui de représenter à peu près le Nord-Pas-de-Calais 25% des clubs au niveau français. Et ça, c'est une aide importante, ce qui permet aussi d'avoir des permanents qui organisent un peu ces 55 clubs de manière rationnelle. D'accord. Donc, je retiens sur les financeurs, les cigaliers, bien sûr, ça peut être une subvention de la région. Et puis, les banques, parce que tout au début, tu as parlé des chambres de commerce, c'est des banques. Comment vous êtes perçu par les banques? Vous emmerdez quelque part, non? Alors, C'est vrai que l'apport que fait un club, effectivement, on peut penser que c'est, si la banque, si on apporte, mettons, 10 000 euros à une entreprise, il est possible que ce soit 10 000 euros de moins de prêts que la banque va faire au porteur. Donc, bon, je pense qu'on a, on est assez, on a une approche assez neutre vis-à-vis des banques, et les banques sont assez neutres vis-à-vis de nous. J'allais dire, je ne suis pas sûr qu'elles voient ça d'un mauvais ou d'un bon œil. C'est vrai qu'à l'expérience, on n'a pas eu beaucoup de prescriptions de la part des banques. Quand un porteur va voir la banque, c'est rare qu'elle lui dise « il faut passer par un club cigale, ça va vous aider ». Non, je pense qu'elles ne nous connaissent pas trop. On est deux partenaires. Nous, on est dans le solidaire, on veut aider notre porteur. Je pense que la banque essaie de soigner également ses deniers. On en a besoin, hein, de toute façon. Il nous est arrivé de faire des financements à plusieurs clubs sans faire appel aux banques. C'est déjà arrivé parce que le porteur de projet était interdit bancaire, tout simplement, et interdit de prêt. On est allé jusque-là. On n'a pas forcément fait un bon choix à l'époque, enfin, d'aider ce porteur de projet-là, puisque ça a quand même été difficile. Mais là, on a vraiment eu aucun financement bancaire. Donc, on est arrivé vraiment à installer un gars uniquement avec de l'épargne solidaire. D'accord, ça, c'est pas mal. René. Oui, et même des banques éthiques, solidaires, comme la NEF, le Crédit Coopératif, voire à la rigueur même les caisses d'épargne locales ne participent pas plus avec vous Oui, alors, les cigales, je remercie de poser la question, les cigales quand même font partie du pôle de la finance solidaire. On est vraiment quatre acteurs. Donc, j'allais dire, les cigales, Autonomie Solidarité, qui font des apports en capital. Et on a la Caisse Solidaire et la NEF. La NEF est une banque qui a plutôt qui va faire des prêts pour des projets environnementaux, et la Caisse Solidaire qui ne va pas demander de caution et de garantie. Donc aujourd'hui, l'offre, les cigales font partie du pôle, et le pôle aujourd'hui peut à la fois apporter faire des apports en capitaux avec les cigales et Autonomie, et également avoir des emprunts de la Caisse Solidaire et de la NEF. Donc normalement, puisque la NEF justement va ouvrir un bureau à Lille, vous allez travailler encore plus avec la NEF, je suppose. Ah bah, demain, j'ai une réunion du pôle de la finance solidaire. Effectivement, c'est une bonne nouvelle. On aura de la proximité. Ça correspond. Nous, ce qu'on souhaite, c'est faire aussi beaucoup de cofinancement. On puisse, si on peut développer le cofinancement, c'est important. Ça veut dire que le porteur de projet également va n'avoir qu'un seul dossier. On essaie d'harmoniser nos méthodes d'instruction des dossiers également, hein, de façon à pouvoir aider le porteur de projet. Mais c'est vrai que nous, on veut ne pas un club, si le club n'a pas assez de finances, il systématiquement il doit s'orienter vers Autonomie ou vers un autre club. On ne doit pas laisser partir quelqu'un parce qu'un club n'a pas suffisamment de finances lui tout seul. Voilà, on est bien dans un groupe, on est bien il y a 55 clubs autour, il y en a forcément plusieurs qui sont en capacité d'augmenter leur offre. Moi, je trouve ça vraiment très intéressant ce que tu viens de dire, là, même en hésitant. Mais... non, mais je crois que c'est fort intéressant de dire que vous ne lâchez pas, de toute façon. Oui. Hein? Et voilà, ça me paraît très intéressant parce que c'est ces relations qui nous semblent importantes de mettre en évidence à nous, ATTAC, dans ce genre de contact entre des parrains et des gens qui veulent créer une activité. Nicolas. Pour rebondir sur la question de Christian tout à l'heure, est-ce que au niveau gouvernement, par exemple l'ancien gouvernement, le nouveau gouvernement, est-ce que ça va mieux? Est-ce que ça va, c'est pareil ou... Ah, tu vas parler du ministère macro, quoi. Non, du ministère de l'économie sociale et solidaire. Ah, moi, je pense que la nomination d'un ministère de l'économie sociale et solidaire, ça doit renforcer le rôle à la fois de ce pôle de la finance solidaire. Bon, je veux dire, aujourd'hui, on n'en mesure pas encore les effets, mais je sais par exemple que le ministère est attentif à la réduction, au maintien de la réduction fiscale pour les investisseurs solidaires. Donc, mais bon, ça, ce n'est pas encore, je n'ai pas encore de précision vraiment là-dessus, mais je pense qu'il est également. Il est possible que demain, on puisse faire évoluer le statut des cigales par le biais peut-être de ce ministère. Par exemple, aujourd'hui, on n'intervient qu'en capital. Est-ce que demain, on ne pourrait pas aider également ou faire des apports pour des auto-entrepreneurs ? Voilà, qu'aujourd'hui... Merci. On va peut-être terminer là, mais je voudrais quand même savoir un tout petit peu ce qui te motive, toi. Alors, ben moi, j'ai... J'avais trois motivations au départ. Et moi, je suis juste retraité et donc je voulais un peu rester dans le coup. Bon, je suis retraité de la profession comptable et ça m'intéressait de continuer à garder une fibre avec l'entreprise. Voilà. Donc, rester dans le coup, s'obliger à découvrir des porteurs d'aujourd'hui qui c'est vraiment intéressant de voir vers quel métier veulent s'orienter les jeunes qui veulent créer, les jeunes ou moins jeunes qui veulent créer leur entreprise. Je l'ai dit tout à l'heure, deuxième motivation, c'est garder de l'activité à côté de chez soi. Pouvoir développer une entreprise à côté de chez soi, c'est peut-être demain pouvoir offrir un emploi à un de nos enfants ou voilà, quelqu'un, et surtout garder de la technicité. On a par exemple financé une brasserie. Aujourd'hui, cette brasserie a développé... ils emploient aujourd'hui 5 à 6 personnes. Ben, ça veut dire de la technique. On a gardé un maître brasseur. On a des automates de fabrication. Donc, ça permet de garder forcément des entreprises de maintenance à proximité. Si cette brasserie s'était installée à Trifouilly-les-Oies, ben, on aurait perdu cette activité. Et puis, moi, j'allais dire, la motivation, ça, c'est vraiment personnel. Mais bon, moi, je fais partie d'une génération, on parle des 30 glorieuses, qui n'a pas eu trop de soucis à se faire au niveau de l'emploi. Et je pense que ça me paraissait tout à fait normal de pouvoir aider les jeunes aujourd'hui qui n'auront pas cette chance de pouvoir faire une carrière sans trop de discontinuité. Voilà. Mais c'est vraiment du soutien intergénérationnel. Je veux dire, je pense qu'on doit aider les autres aujourd'hui à démarrer. C'est beaucoup plus difficile qu'il y a 20 ou 30 ans. C'est une très belle motivation. Je crois qu'on va terminer sur ce bon mot. Merci Jean-Marc. Au marché de Brive-la-Gaillarde, à propos de bottes d'oignons, quelques douzaines de gaillardes se crêpaient un jour le chignon. À pied, à cheval, en voiture, les gendarmes mal inspirés vinrent pour tenter l'aventure d'interrompre les chauffourées. Or, sous tous les cieux sans vergogne, c'est un usage bien établi. Dès qu'il s'agit de rosser les cognes, tout le monde se réconcilie. Ces furies, perdant toute mesure, se ruèrent sur les guignols et donnèrent, je vous l'assure, un spectacle assez croquignol. En voyant ces braves pandores être à deux doigts de succomber, moi je bichais car je les adore sous la forme de Maccabée. De la mansarde où je réside, j'excitais les farouches bras des mégères gendarmicides en criant hippipipoura. Frénétique l'une d'elles attache le vieux maréchal des logis et lui fait crier mort aux vaches, mort aux lois, vive l'anarchie. Une autre fourre avec rudesse le crâne d'un de ses lourdeaux entre ses gigantesques fesses qu'elle serre comme un étau. La plus grasse de ses femelles, ouvrant son corsage dilaté, matraque à grands coups de mamelle ceux qui passent à sa portée. Il tombe, tombe, tombe, tombe, et selon les avis compétents, il paraît que cette hécatombe fut la plus belle de tous les temps. Jugeant enfin que leur victime avait eu leur compte en deniers, ces furies comme outrage ultime, en retournant à leurs oignons, ces furies, à peine si j'ose le dire tellement c'est bas, leur auraient même coupé les choses. Par bonheur, ils n'en avaient pas, leur auraient même coupé les choses. Par bonheur, ils n'en avaient pas. Et maintenant, les conseils de lecture. On l'a déjà annoncé, un ouvrage de notre amie Jeannie Catrice. Christian a un ouvrage à nous présenter. Absolument. Antoine, donc, Florence Jeannie Catrice. Alors, le titre, c'est « La performance totale, 2. Nouvel esprit du capitalisme ». Parce qu'il y a un point d'interrogation. Édition du Septentrion, paru en juillet 2012. Et ça coûte 15 € pour 175 pages. S'il fallait faire la dramaturgie de la présentation de l'ouvrage, je dirais que c'est l'histoire d'un piège double pour le salariat que met en évidence Florence Jeannie Catrice. Piège dont les termes sont contenus dans le titre. D'un côté, la performance totale, de l'autre, avec un point d'interrogation, disais-je, le nouvel esprit du capitalisme. Le nouvel esprit du capitalisme, commençons par là. De quoi s'agit-il ? C'est le titre d'un ouvrage conséquent et important de Luc Boltanski et de Ève Chapiello, paru en 1999, un pavé de 843 pages qui nous expliquait que le libéralisme, ou plutôt les managers, on peut dire d'ailleurs que d'une certaine manière qu'ils sont les destinataires de cette thèse, ont compris que la critique artiste de l'organisation de l'industrie capitaliste n'était pas dépourvue de sens et mieux qu'on pourrait bien s'en servir. C'est quoi la critique artiste ? C'est le mot des auteurs, hein. J'explique. Pour faire simple, c'est la négation de l'être humain dans l'usine, le fonctionnement de l'entreprise où le salarié n'a pas son mot à dire, que des gestes à exécuter. Il ne peut pas s'exprimer sur ce qu'il fait, pas de critique, encore moins d'initiative, et je ne parle pas d'autonomie. C'est ça la critique artiste. Et nos deux auteurs, de penser que ces capacités humaines pourraient bien servir finalement au fonctionnement de l'entreprise dans, vous l'avez compris, le nouvel esprit du capitalisme. Les écoles de management se sont toutes mises à vendre ces idées pour instaurer un meilleur climat dans le travail, affirmait-elle, mettant en avant l'individu et ses qualités propres pour partager, d'une certaine façon, le travail. Pas le profit, le travail. Pas mal cette idée si elle s'était épanouie ailleurs que dans un univers de mutation permanente et numérisée où le collectif de travail éclate sous le double effet de l'individualisme, de responsabilités nouvelles souvent mal définies, génératrices de conflits et de stress. C'est la première partie du piège. Seulement voilà, on a beau être manager, on n'en est pas moins au service d'un patron, de moins en moins identifiable celui-là d'ailleurs, mais c'est une autre histoire. Patron auquel il faut montrer l'efficacité de cette conception plus ouverte du travail salarié. Montrer que ça a du sens, le sens du profit, vous l'aurez compris. Autrement dit, comment pourra-t-on trouver que cette façon de faire fonctionner une entreprise est efficace ? Et ce, d'autant plus que l'économie ne cesse de se tertiariser, puisque les services emploient plus de 3/4 des salariés aujourd'hui. Dans la société industrielle, petit retour en arrière, un seul critère faisait l'unanimité, la productivité. La productivité est le rapport entre le nombre de pièces produites au numérateur et le nombre de salariés au dénominateur. Exemple, en 2004, on considérait qu'un ouvrier de Toyota produisait 24 véhicules par an et un ouvrier de Volkswagen, 15. La productivité exprimait, elle toute seule, la croissance, qui est toujours le but dans l'économie capitaliste, et le fameux compromis salarial qui fonctionnait à plein pendant les 30 Glorieuses parce qu'il fondait le partage de la valeur ajoutée et que la paye augmentait avec le nombre de pièces produites, à savoir donc la productivité. On comprend alors qu'utiliser un concept aussi simple, soit dit en passant, il n'est pas si simple que ça, de productivité est des plus compliqués à utiliser tel quel dans une société de service. Et la difficulté pour ceux qui sont aux manettes, employeurs privés et publics, et je dis bien et publics, les fonctionnaires qui nous écoutent ont compris que je parle de la RGPP, la difficulté, leur problème, est de mesurer quelque chose qui se donne beaucoup moins bien à la mesure que la production de biens. Le service, sans quitter des yeux l'objectif final qui est l'augmentation en volume de la production. Comment en effet mesurer un service dont Jean Gadret disait dans son ouvrage « Les services » en 1996 qu'il était le résultat coproduit par celui ou celle qui en est le destinataire. Deux exemples, il en faudrait d'autres. En disant ça, je m'adresse à l'auteur. L'enseignant qui explique, c'est de l'exemple, l'enseignant qui explique à un élève la correction d'un devoir s'appuie sur les connaissances acquises par l'élève, par son goût d'apprendre, sa patience, etc. Raisonner en termes de productivité stricte, l'enseignant sera plus productif s'il fait le devoir à la place de l'élève. Eh bien, nos décideurs vont essayer de contourner cette difficulté de la mesure des services par des contorsions, selon le bon mot de Florence Génicatrice. Et ici, le classement dit de Shanghai des universités du monde est intéressant de ce point de vue, pour montrer les limites des contorsions. Je m'explique sur le classement de Shanghai. L'échelle des valeurs des universités repose essentiellement sur le nombre de publications d'articles scientifiques des universitaires d'une université publiés dans des revues prestigieuses, évidemment, sélectionnées par Shanghai. Trois critiques pour ce classement. Primo, il ne tient pas compte de la taille des universités. Exemple, si les universités parisiennes ne faisaient qu'une, elles seraient à n'en pas douter une seule seconde dans le top 10. Secondo, il impose aux chercheurs d'écrire des articles publiables plus souvent, s'il veut être dans une université reconnue, aux dépens de la recherche fondamentale. Tertio, et non des moindres, que devient son rôle de pédagogue dans cette course à la publication ? On comprend tout de suite mieux pourquoi les universités privées qui peuvent se payer les chercheurs renommés sont en tête de liste. Voilà ce que valent les indicateurs de la performance des universités et plus personne ne les conteste. Cet exemple est significatif de la démonstration de Florence Génicatrice parce que le plus grave est bien là et là toute la portée de son bouquin. Les indicateurs de performance, qui ne sont que l'expression de représentations sociales et de choix politiques momentanés, deviennent pour tous la réalité elle-même, non discutable pour les décideurs comme pour les salariés qui les subissent. C'est bien là le deuxième partie du piège. La performance est la réalité totale, intégrale et ses indicateurs indiscutables. Comment pourrait-on s'en sortir ? Commençons par nous émanciper de la notion de performance d'abord et de la pseudo-neutralité apparente des chiffres. Il est temps pour Florence, vous me permettez de l'appeler Florence maintenant, d'explorer la démocratie des choix collectifs avec de nouveaux indicateurs de richesse. Vous l'aurez compris, la performance totale, nouvel esprit du capitalisme, 15 € aux éditions du Septentrion, est un livre exigeant mais aussi remarquable pédagogiquement qui donne des arguments solides pour analyser et contester la voie libérale de notre société. On en trouvera d'autres dans la revue française de socio-économie, dont Florence Génicatrice est précisément la directrice. Merci Christian. Je termine avec les rendez-vous militants. Dès le début de cette nouvelle année 2013, que je souhaite meilleure, trois thèmes récurrents reviennent jusqu'à la mi-février. L'eau, comme en a parlé René, le nucléaire et l'austérité, un trio à polémique, sont ainsi prévus. À propos de l'eau, un débat le mercredi 23 janvier à 19h à la salle polyvalente Saint-Gabriel à Lille-Saint-Maurice-Pellevoisin et deux réunions publiques. L'une le mercredi 6 février à 19h à la salle Petit Bosquet dans le quartier de Flesbourg à Villeneuve-d'Ascq. L'autre le vendredi 8 février à 18h30 rue Blancard du quartier de la Mouchonnière à Seclin. Ainsi qu'un rassemblement le vendredi 15 février de 13h à 14h devant l'hôtel de la communauté urbaine de la métropole urbaine de Lille, rue du Ballon à Lille. Concernant le nucléaire, deux rendez-vous à 18h30 à l'espace culture de la cité scientifique de l'université de Lille 1 à Villeneuve-d'Ascq. Pour une France sans armes nucléaires, le mardi 22 janvier, Fukushima, quelle leçon ? Le mardi 5 février. Relatif à l'austérité, une journée d'études intitulée « La démocratie sociale à l'épreuve des répressions syndicales » aura lieu le mercredi 23 janvier de 10h à 17h à la faculté de droit et de santé de l'université de Lille 2, amphithéâtre E3-01, place d'Héliot à Lille. Entrée libre et gratuite, mais réservation auprès de etienne.penissat@univ-lille2.fr. Gérard Filoche et Michel Husson animeront un meeting contre l'austérité le mardi 29 janvier à 18h30 au foyer Pierre de Roubaix, boulevard de Belfort à Roubaix. Notons également que le cabaret de l'Union aura pour thème journaliste et journalisme le vendredi 25 janvier à 19h30 à minuit à la condition publique 14 place Fédère à Roubaix. The End of the Line, l'océan en voie d'épuisement, révèle une catastrophe humaine, sociale et biologique. Ce documentaire britannique a contribué à changer les habitudes de consommation en Angleterre. Sa projection sera suivie d'une discussion autour des solutions visant à mieux gérer les stocks de poissons et l'environnement marin. Cette soirée, proposée par Greenpeace, se déroulera le jeudi 31 janvier à 20h au cinéma L'Univers, 16 rue Georges Danton à Lille. Expertise et conflit d'intérêts, les deux bouts de la même lorgnette, c'est la question que se poseront les amis du monde diplomatique le lundi 4 février à 20h au théâtre La Rose des Vents, boulevard Van Gogh à Villeneuve-d'Ascq. N'oublions pas enfin l'assemblée militante d'Attaque Lille le lundi 21 janvier à 19h30 à l'Amresse, 23 rue Gosselet à Lille. Dans cette même maison associative aura lieu l'assemblée générale d'Attaque Lille le vendredi 25 janvier de 18h30 à 21h30. Vous pouvez retrouver ce calendrier militant sur notre blog attaquelille.over-blog.com. La prochaine émission d'Angle d'Attaque, le samedi 16 février de midi à 13h, aura pour thème le crédit coopératif, toujours dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Merci à notre intervenant d'aujourd'hui. Bon appétit et à bientôt. Mais je crois que ce n'est pas tout à fini, Christian, pour le mot du président en faveur du départ de Germain, je crois. Oui, Antoine, je vais prendre ma casquette de président là tout de suite pour dire que je voudrais souhaiter, et nous voudrions tous souhaiter bon vent à notre ami Germain qui quitte la métropole et son boulot d'informaticien et qui nous quitte par la même